Bonjour les petits papouettes! Vous pouvez pas vous endormir avant que je vous ai raconté une histoire! La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La planète des contes, c'est l'épisode 2, Cendrillon, le temps des désirs. Cinderella pour les Anglais, la Cenicienta pour les Espagnols, et il existe même une Cendrillon en Laponie. Partout, la même histoire, celle d'une jeune fille maltraitée par sa belle-mère et ses deux filles. Souvenez-vous, la marraine qui est une fée, la citrouille transformée en carrosse, les 12 coups de minuit, le prince charmant, la pantoufle de verre. Cendre, cendrillon, cendrier, la jeune fille se retranche au plus intime du foyer, là où s'accumulent les cendres. Cendres qui ensuite chemineront jusqu'au lavoir, là où les femmes armées de leur battoir déplient les draps et, le verbe haut, commentent ce qu'elles y devinent des secrets domestiques. Le mot « cendre » a vraiment son importance. Un conte, dit Michel Serres, c'est aussi, d'abord, un jeu sur le mot. C'est encore une partie de Marelle qui dessine la carte du monde. On entendra ici, aujourd'hui, des échos de l'Italie, de la Géorgie, du Nouveau-Brunswick. Mais on pourra aussi parler de l'origine chinoise de Cendrillon ou des signes avant-coureurs qu'en devine le géographe Strabon chez le pharaon d'Égypte. Et il n'y a pas que la généalogie de Cendrillon qui étonne, il y a aussi sa pénétration extraordinaire. C'est peut-être de tous les contes celui qui est le plus intimement connu. Notre guide, Bernadette Bricout, comme hier, comme demain. Bonjour Bernadette Bricout. Bonjour. Je m'émerveille toujours de votre titre, professeur de littérature orale. Et j'imagine autour de vous rassembler en essaim des étudiants de tous les pays. J'ai cité déjà beaucoup de pays volontairement. Oui, et alors dans le cas de Cendrillon, c'est vrai qu'on a des versions admirables venues des 5 continents. C'est vraiment un conte planétaire. Vous disiez que c'est l'un des plus connus, l'un des plus intimes aussi, et l'un de ceux pour lequel on a le plus grand nombre de versions, avec des versions extraordinairement différentes, même si le schéma narratif est le même, on le verra. Bettelheim dit 345 versions, mais c'est bien davantage. Oui, c'est bien davantage. Elles sont de toute façon plus nombreuses que ce que vous imaginez, que ce que j'imagine. Ça peut se chiffrer peut-être par milliers. Mais on peut tenir pour une origine chinoise ? Là, on dit ça parce que oui, alors, il n'y a qu'en Chine que la beauté générale de la personne soit reliée à la taille du pied. Il y a ça, et puis il y a le fait qu'on a une version chinoise ancienne qui est attestée, assez brève d'ailleurs, qui doit être une version du 8e siècle, si ma mémoire est bonne. Mais là encore, c'est la première version imprimée. Donc oui, on pense à la Chine à cause de la petitesse du pied comme associée à la beauté de la femme. Et aussi à l'usage des bandes qui permettent d'enserrer le pied. Mais bon, oui, sans doute. Mais de toute manière, il a voyagé, voilà. On ne va pas tout de suite parler du thème des cendres, à quoi vous tenez beaucoup. Mais on va aller un peu en amont, avec une version des frères Grimm. Un mot sur les frères Grimm, on a parlé de Perrault hier. Ah ben les frères Grimm, on a des versions admirables. On n'a pas parlé du petit chaperon rouge, parce que leur version n'est pas très différente de celle de Perrault, si l'on accepte le dénouement. Mais pour Cendrillon, Aschenputtel, on a une splendide version qui comporte un certain nombre de motifs qui ne figurent pas chez Perrault. Il était une fois une femme qui avait 3 filles. L'aînée s'appelait Un œil parce qu'elle n'avait qu'un seul œil au milieu du front. La fille, puis née, s'appelait Double œil parce qu'elle avait 2 yeux comme tout le monde. Et la cadette s'appelait Triple œil parce qu'elle avait 3 yeux. Mais parce que Double œil avait la même apparence que les autres gens, ses sœurs et sa mère ne pouvaient la souffrir. Toi, avec tes 2 yeux, tu ne vaux pas mieux que le peuple ordinaire. Tu n'es pas des nôtres, lui disait-elle. Elle la poussait d'un coin dans un autre, lui jetait de méchants habits, lui donnait pour toute nourriture des restes de leur repas et ne manquait pas une occasion de la maltraiter. Un jour, Double-œil s'assit sur un muret et fondit en larmes, et elle pleurait tant que 2 ruisseaux se mirent à couler de ses yeux. L'orpheline et sa vache, conte populaire géorgien. Il était une fois un mari et sa femme. La femme mourut, laissant son mari veuf, et leur fille, orpheline. Le veuf se remaria. La belle-mère maltraita sa belle-fille, surtout à partir du moment où elle constata que l'orpheline était bien plus belle que sa propre fille. Et elle empoisonnait comme elle pouvait les journées de la pauvre petite. « Tu feras boire la vache !» dit-elle à la fillette en lui donnant un panier de laine. « Et en même temps, tu battras, tu carderas, tu fileras cette laine, tu tricoteras des chaussettes et tu me les apporteras, sinon ne mets plus les pieds ici !» L'orpheline pleura, pleura à chaudes larmes et ses larmes allèrent rejoindre l'eau. Alors pour l'instant, c'est davantage question de ruisseau de larmes que de cendres. Il est vrai que Cendrillon, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est très malheureuse, la mère est absente, morte, et elle est soumise, alors vous insistez beaucoup là-dessus Bernadette Bricou dans votre Clé des songes, votre dernier livre au seuil. Clé des contes, mais c'est aussi la Clé des songes. Merci, vous insistez beaucoup sur la rivalité fraternelle. Revenons un instant sur les larmes. Là on a entendu une version, une belle version, le début de la version des frères Grimm de « Un œil, double œil, triple œil ». Mais dans la version de Cendrillon, « Aschenputtel », en allemand « Aschenputtel » c'est à la fois le nom qu'on donne à un vieux chaudron mis au rebut, un objet de cuisine dont on ne se sert plus, et ça désigne aussi la souillon de cuisine sale et malpropre. On n'est pas très loin de la traînée, voire de celle qui va être une fille à soldat. Vous voyez, il y a tout ça derrière. Il y a « dirne » en allemand. C'est la même chose, la servante et la salope, c'est pratiquement le même terme. Et puis, il y a ces larmes. Et dans la version de Cendrillon, eh bien, il nous est dit, dans la version des Grimm, que tous les jours, elle va pleurer sur la tombe de sa mère. Elle arrose la tombe de ses larmes. Et de la tombe va naître un arbre. Et sur cet arbre, des oiseaux se poseront, qui seront des donateurs pour Cendrillon. Alors, vous avez dit, elle est très malheureuse. Elle est très malheureuse parce qu'elle est maltraitée, mais elle est d'abord malheureuse parce que c'est un personnage qui est dans le deuil. Elle porte le deuil de sa mère, d'une mère qui est morte, et qui, dans certaines versions, il faudrait se tourner vers la Grèce notamment, mais aussi vers le Tibet, dans certaines versions, la mère a été mise à mort. Par exemple, des versions grecques qui vont nous raconter que la mère biologique et ses filles, Cendrillon et ses sœurs, vont se trouver enfermées au fond d'un puits et qu'elles vont devoir carder la laine ou filer. Et à un certain moment, elles n'ont plus rien à manger. Et alors les sœurs disent, la première qui laissera tomber son fuseau, celle-là sera mangée par les autres. Et celle qui va laisser tomber son fuseau de fatigue ou de maladresse, c'est la vieille femme, c'est la mère. Et on va la manger. Et Cendrillon est la seule à refuser de manger sa mère. Elle va rassembler les os, elle va les mettre dans une jarre, elle va honorer la mémoire de la mère. Et donc, elle est vraiment la gardienne de la mémoire et la gardienne des cendres. Et c'est d'abord pour ça qu'elle pleure. Gardienne de la mémoire, elle l'est au foyer. Alors, c'est très important, le thème de l'âtre, où elle se protège d'ailleurs des agressions extérieures, en même temps qu'elle s'y dissimule. Vous avez tout à fait raison, c'est très ambivalent. L'âtre, c'est à la fois le lieu où elle est reléguée, comme Cosette sous sa table chez les Thénardier, quand elle se réfugie et qu'elle a fini son ouvrage. Et en même temps, l'âtre, c'est un royaume qu'elle préserve jalousement comme étant son territoire. Quand les sœurs s'approchent d'elle, elles jettent du sel sur le feu dans les versions orales, et le sel va péter sur le feu, il explose, et cela fait des tonnerres, et on pense ainsi qu'elle a des poux. Et comme elle est perçue comme une pouilleuse, comme une pouillouse, et que les poux se transmettent, les sœurs se tiendront à distance. Mais pour revenir à l'attitude ambivalente à l'égard du foyer, il faut dire aussi que la pierre de l'âtre, la pierre couverte de cendres, c'est à la fois le cœur de la maison, et en même temps il y a un lien symbolique probablement très ancien entre la mère, la mémoire de la mère, le feu, parce que l'âtre c'est le cœur de la maison et c'est le cœur qui réchauffe, et c'est aussi le cœur qui nourrit, et cette figure maternelle qui est au cœur de la maison. Il y a une devinette de Haïti qui dit, et c'est très mystérieux pour moi et très énigmatique, « Ma mère est morte depuis fort longtemps. Quand je reviens, je n'arrive pas à voir où elle est enterrée. » Et la réponse, c'est le foyer. Vous voyez, là encore, le lieu de la cendre. Et la cendre est sans lieu, parce que ensuite elle chemine, il faut rappeler peut-être à nos auditeurs, qu'elle sert à faire la lessive. Vous avez raison, elle chemine de l'âtre à la cuve à lessive, enfin plus exactement à ce sac dans lequel on mettait traditionnellement les cendres de l'âtre, les cendres du fournil aussi, toutes les cendres de la maison, et qui permettait, on plaçait ce sac au-dessus de la cuve et on allait verser de l'eau bouillante sur ce sac rempli de cendres, dont la vertu, en quelque sorte, de purification, permettait de donner des draps qui avaient, nous ont dit nos mères, une belle couleur bleue, une inimitable couleur bleue. Alors on imagine les laveuses avec leur battoir au lavoir, chanter des chansons, raconter l'histoire de Cendrillon, le désir aussi qui traverse Cendrillon. C'est quoi le désir de Cendrillon tel que le chantent les dames du lavoir ? D'abord, il faut dire que ces dames du lavoir, elles ont des liens très obscurs à notre héroïne, parce que ce sont aussi des femmes qui manipulent la cendre et qui lavent le linge. Ce travail de laveuse est traditionnellement un travail de vieille femme. Un travail de vieille femme qui est à l'abri des orages du désir. Un travail de vieille femme qui est au soir de sa vie. C'est très important en ce que le corps de la femme ménopausée est à l'abri des orages biologiques. Et cela donne à la vieille femme un pouvoir, celui de manipuler le sacré, de se tenir aux deux extrémités de la vie, de laver les enfants et de laver les morts. Le travail de laveuse, c'est le travail d'une femme qui est à l'écart de la vie, à l'écart du désir. Or, c'est précisément le sort de Cendrillon, qui semble vieille avant d'avoir été, qui semble avoir laissé passer son tour avant d'avoir été. Elle a le désir d'aller au bal néanmoins. Oui, elle a le désir d'aller au bal. Elle a le désir de sortir d'une maison dont elle est la gardienne pour aller voir ce qui se passe, parfois de l'autre côté de la rivière, ou au château, ou à la messe. Alors c'est aller au bal ou aller à l'église, mais en tout cas sortir pour voir le monde et peut-être pour rencontrer l'autre et trouver chaussures à son pied. Et là, la fée va l'aider. Juste ciel, ma chérie, tu es en guenilles. Nous allons arranger ça avec ta taille et la couleur de tes yeux. Il faut quelque chose de simple, mais d'un peu audacieux. Il faut une robe d'argandi. Bipidi, bipidi, bobidi, boum ! Oh, vous avez déjà vu une robe aussi merveilleuse ? Et regardez, des pantoufles de verre. C'est comme un rêve magnifique. Oui, ma jolie. Mais comme tous les beaux rêves, j'ai bien peur qu'ils ne puissent durer éternellement. Au 12e coup de minuit, le charme sera rompu et tout redeviendra comme avant. Va, mon petit cœur, la fête t'attend. Rie, amuse-toi, danse, sois gai. En route, ma belle, et fouette cochée. Elle monte dans son carrosse, va au palais, gravit l'escalier, et voilà tout le monde dans l'admiration. Le prince la voit, lui fait la révérence. Comment vous appelez-vous ? Par mon nom. Et où logez-vous ? Dans la maison qui a une porte. Dans quelle rue ? La ruelle où il y a de la poussière. Madame, vous me faites mourir. À votre aise. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Aujourd'hui, avec Bernadette Bricout, Cendrillon, alors inutile de dire qu'on était d'abord dans le monde de Walt Disney, et ensuite en Italie, la Cenerentola de Rossini, avec Teresa Berganza, le London Symphony Orchestra et la direction de Claudio Abbado, et avant, vous l'aimez bien, la version de Calvino, hein. Oui. Alors, ce bal. Le bal du château, il a marqué durablement notre imaginaire. Je voudrais remarquer que dans toutes les adaptations contemporaines de Cendrillon, le temps nous manquerait pour les citer toutes, on a le sentiment que très souvent, le bal est repris pratiquement comme une sorte de lieu obligé de la rencontre. Parce que le bal est un lieu public. C'est un lieu de sociabilité. C'est un lieu où l'on se découvre. Et en même temps, on y danse, on s'y accorde, mais l'intimité très fragile, très éphémère, elle est en quelque sorte sous le contrôle de la société. C'est la conversation privée dans l'espace public. Voilà, il y a celles qui font tapisserie avec leur mère, et qui sont en général les gardiennes de l'ordre, et d'ailleurs souvent des gardiennes assez sévères sur ce qui se joue. Et puis il y a une scène du désir, mais c'est un désir qui ne peut jamais se concrétiser complètement, puisque on est dans le frôlement, on est dans des mouvements ritualisés, on est dans le contact des mains, mais pas dans l'étreinte. Et vous aviez raison, dans l'intimité d'une parole qui se protège, mais qui de toute manière va finir avec le bal. Mais la permission de minuit. Alors, ce qu'il faut dire quand même dans Cendrillon, avant la permission de minuit, c'est qu'on n'a même pas besoin de parole pour séduire le prince. Dès que Cendrillon apparaît, c'est en quelque sorte une révélation définitive. Il est ébloui, il ne voit plus qu'elle. Et la permission de minuit, dont on a dit trop souvent que, au fond, elle était là, vous voyez, comme dans la langue populaire, pour marquer une borne liée à la bienséance. Les vraies jeunes filles ne courent pas les rues ou les bals après minuit. Je crois que la permission de minuit, elle est vraiment là comme un enseignement de la fée. Elle enseigne à Cendrillon quelque chose d'absolument fondamental qui a à voir avec la manière de faire advenir le désir. Cendrillon surgit, elle éblouit le prince et à peine est-il séduit. À peine lui a-t-il demandé d'où elle venait. Vous avez entendu dans la belle version de Calvino, de cette rue où il y a de la poussière. Il y a des versions où elle dira « Je viens du pays du balai, je viens du pays du torchon ». Et le prince répondra « Je ne connais pas ce pays-là ». C'est à la fois le pays des servantes, mais c'est aussi le pays des femmes et le royaume de la maison. Eh bien, à peine a-t-elle dit cela qu'elle disparaît. Et aussitôt disparue, elle devient l'élue. Voilà, parce qu'elle a su s'imposer une retenue. Et c'est ce que va nous expliquer Bruno Bettelheim, il faut qu'on l'entende dans cette série. Ah, mais l'auteur bien entendu. De la psychanalyse des contes de fées, après qu'on aura encore goûté un instant de la belle version de Calvino. Elle quitta le bal. Le roi avait donné des ordres pour que, après le départ de cette dame, on puisse savoir où elle habitait. Les serviteurs étaient à leur poste pour la guetter. Elle entra dans son carrosse. Elle s'aperçut qu'elle était suivie, prit l'argent et se mit à le jeter par la fenêtre du carrosse. Les serviteurs avides s'arrêtèrent pour le ramasser. Elle retourna chez elle et monta à l'étage. « Oh, oiseau Verdelio, fais-moi plus souillon que je ne suis. Vous auriez dû voir comme elle se retrouva. Affreuse, horrible, toute couverte de cendres. » Le Cendrillon s'enfuit du bal. Alors l'enfant se demande pourquoi s'enfuit-elle. Alors l'enfant comprit, pas dans son conscience, mais dans son inconscience, que Cendrillon ne veut pas être choisi par ses habits beaux, les bijoux. Il faut que le prince le voie comme elle est vraiment. Ce n'est pas une vie heureuse si le prince croit qu'elle est toujours beau. Il faut que le prince choisisse la personne comme elle est vraiment et pas les habits. Je dis qu'il fallait entendre dans cette série Bruno Bettelheim. Il a toujours beaucoup de succès, Bettelheim, parce qu'il explique aux parents quelle posture il faut adopter pour raconter les contes. Alors, effectivement, quant à l'utilisation de psychopédagogique des contes de fées, c'est vrai que le livre de Bettelheim a fait date, parce qu'on s'est aperçu que, au fond, qu'on avait là un trésor. et un trésor qui pouvait nourrir à la fois, bien entendu, l'enseignement souhaité par les parents, l'enseignement qu'il est en train d'expliciter pour ce conte, dont il dit, c'est en tout cas sa lecture, et ça montre à quel point toute lecture est une création, elle a envie d'être aimée pour elle-même, mais on pourrait donner bien d'autres explications, sans doute, de la fuite de Cendrillon, et puis ce que l'enfant entend et que nous ignorons. Car quand on raconte un conte à l'enfant, on ne sait jamais à quel degré de conscience on touche, et peut-être que l'histoire qu'il va se raconter sera très différente. Mais ce qui est très frappant dans le beau commentaire, le commentaire émouvant de Bettelheim, c'est l'idée que Cendrillon veuille être aimée pour elle-même. Dans la version de Perrault, pour revenir un instant à elle, où Cendrillon laisse derrière elle sa pantoufle de verre, et cette perte de la pantoufle est aussi un motif qu'on retrouve dans bien des versions orales, mais là il y a une ambiguïté parce qu'on ne sait pas si elle la perd exprès. Mais on peut revenir au point de vue de Bettelheim, parce que j'ai l'impression que vous voulez le contester. L'enfant aime bien être assuré d'une sécurité dans l'amour. Et Cendrillon, elle a besoin aussi de trouver la sécurité d'un amour adulte. C'est pour ça qu'elle attend que le prince la reconnaisse pour ce qu'elle est. Oui, c'est ce que dit Bettelheim. Et de fait, vous insistez à juste titre, sans doute, sur le terme de sécurité. Mais il me semble que dès qu'elle quitte le bal, Cendrillon a déjà acquis une certitude. C'est qu'elle peut exister pour l'autre. Elle a été reconnue par lui, peut-être pas encore pour elle-même, pour ce qu'elle est, dans ses habits de souillon, mais en tout cas, il a suffi qu'elle apparaisse pour que toutes les autres femmes s'effacent. Et ça, c'est déjà une conquête importante, une certitude importante, qui va lui donner la force de retourner à sa vie ordinaire, en se moquant d'ailleurs de ses sœurs qui reviendront du bal et qui diront « Ah, si tu avais été avec nous, si tu avais vu cette belle créature !» Et elle a la pantoufle dans son tablier, la seule qui lui reste. Parce que l'autre pantoufle, c'est le prince qui l'a attrapée au vol. Et en quoi était-elle cette pantoufle ? Alors ça dépend. Le prince l'a parfois attrapée au vol. Quelquefois, il a médité son coup en quelque sorte et il a enduit de poids ou de miel l'escalier pour que la pantoufle reste collée. Quelquefois aussi, simplement, comme chez Perrault, Cendrillon perd sa pantoufle qu'elle abandonne peut-être comme une carte de visite. Car quand même, s'il n'y a pas de pantoufle, il ne pourra pas la retrouver. Il garde, lui, la pantoufle comme l'objet précieux qui le conduira jusqu'à l'inconnu. Et elle, c'est en tout cas ma propre lecture, je crois qu'elle garde la pantoufle comme le souvenir secret, le gage secret d'une gloire perdue et promise. Elle est une princesse. Personne ne le sait, mais elle le sait. Et je crois que l'auditeur du conte, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, a besoin de se dire à de certains moments, il y a en moi un trésor, tout le monde l'ignore, mais je peux être roi. Je ne parle pas d'une conquête du pouvoir ou de l'ascension sociale. Je parle de quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Je peux être moi-même, enfin, je peux naître à moi-même, devrais-je dire, et alors, véritablement, je pourrais chausser les deux pantoufles. Vous remarquerez que de tous les objets du conte, la pantoufle est le seul qui ne se désenchante pas. Alors, qui peut chausser la pantoufle ? Les sœurs, bien évidemment. Si essaye avec l'aide de la marâtre, voici, j'avais promis de parler du nouveau Brunswick. Une version du nouveau Brunswick. Quand elle va pour embarquer à celle, elle lâche un de ses souliers. Le prince trouve le soulier et a dit à qui le soulier qui fera au pied? Il a dit ça va marier. Oh, la mère, la grosse, la grosse, là, s'en va avec sa fille chez eux. A dit demain matin, là, faut que je retourne avec ma fille. Elle a dit si le soulier y fait pas, a dit, je vais y chapeauter le pied jusqu'à temps que le soulier y fait. Toujours, le lendemain matin, elle se graille, puis elle s'en va avec sa fille. Elle amène un couteau avec elle. Toujours, essaye le soulier. Le soulier était trop petit. Par 3-4 fois, elle s'en allait dehors, puis elle chapeautait sur le pied de sa fille. Quand elle a été pour essayer le soulier était trop grand. Il faisait pas. Tiens, Beteau Cendrillon s'arrive. Là, le prince la prend par la main, puis il mit le soulier dans le pied. Le soulier y faisait juste au pied. Il était fait pour elle. Là, il prend Cendrillus par la main et a dit « Parole de roi, je n'aurai jamais d'autre pour mariage que toi. » Alors avant la fin heureuse, il faut de la cruauté, chapeauter, mutiler. Ouais, chapeauter, mutiler pour faire entrer dans la pantoufle un pied qui n'est pas fait pour elle. Alors que le conte nous parle de cette rencontre merveilleuse d'un pied et d'une pantoufle qui sont faits l'un pour l'autre. Perrault a une expression merveilleuse, il dit « Et vit qu'elle y entrait juste comme de cire ». Il y a eu une conjonction parfaite, qui est érotique, bien sûr, on ne peut pas ne pas penser aux très belles pages d'André Breton dans L'amour fou sur la parfaite adhésion de cette chaussure et de ce pied qui se rencontrent, qui s'attirent l'un l'autre, mais en même temps, bien entendu, c'est une conjonction spirituelle. Trouver chaussure à son pied, c'est véritablement, vous voyez, presque comme dans la quête de l'androgyne, trouver celui ou celle qui est fait pour nous, qu'on reconnaîtra au premier regard, nous dit le conte, et c'est bien sûr de cette rencontre-là, de cette réunion-là que le conte nous parle. La fin n'est pas toujours heureuse, Bernadette Bricout. Alors, dans certaines versions, Cendrillon, qui a trouvé la sécurité, accepte que ses sœurs fassent un bon mariage. Vous m'agacez, pardonnez-moi, vous m'agacez avec la sécurité, Jean Lebrun, parce que vous mettez beaucoup l'accent sur la sécurité, mais je ne crois pas que ce soit une petite fille en quête de sécurité. Je crois qu'elle a envie de devenir femme, et au fond, partir pour aller au bal, c'est quand même tenter l'aventure. Vous voyez, c'est, enfin... Elle est peut-être même jalouse dans certaines versions, et elle ne va pas laisser ses sœurs épouser des princes convenables comme elle. Et c'est là qu'interviennent les animaux qui disent le vrai. Oui. Dans la version des frères Grimm, finissons avec les frères Grimm, parce que vous bagassez à la fin avec Perrault, Bernadette Bricout. Il y a de méchantes colombes qui vont rendre aveugles. Oui. Les sœurs. Oui, dans la version des frères Grimm, il y a de méchantes colombes qui vont rendre aveugles les sœurs, mais qui, avant cela, vont avertir le prince de l'erreur qu'il est en train de commettre. Parce qu'il faut quand même dire que ce prince, et je suis sûre que ça va vous parler, ce prince, Bédelheim nous dit qu'elle a envie d'être reconnue pour elle-même. Mais enfin, quand la sœur s'est mutilée le pied, quand de la pantoufle le sang coule, ben, on lui dit, c'est celle-là que tu vas épouser, puisque tu as dit que tu épouserais celle qui a chaussé la pantoufle. Et il l'emmène. Bon gré, mal gré, il l'emmène. On ne nous dit pas ce qu'il en pense. Mais sur le chemin, on a des oiseaux, souvent ce sont des oiseaux, comme les colombes des frères Grimm, ou des enfants, qui vont dénoncer l'erreur qu'il est en train de commettre. Il y a une très belle version lorraine où les enfants au bord de la route disent « Eh, le beau !» Tu prends la laide et tu laisses la belle est sous le cuveau, sous la cuve à lessive. Et là, le comte dit magnifiquement, le prince rentra dans son château et y resta 3 jours. Puis, il réfléchit à ce qu'il venait d'entendre, puis il sortit, il alla chercher la belle sous la cuve et il l'épousa. Et vous voyez que ces 3 jours, c'est le temps nécessaire pour que la vérité se fasse. Il y a toujours... le chiffre 3 dans les contes, les 3 sœurs, les 3 jours. 3e jour, demain, Le Petit Poucet, avec vous Bernadette Bricout. Je rappelle votre livre aux éditions du Seuil, La Clé des Contes. À la technique, Alice Berger, la réalisation, Jacques Sigal, la préparation, Martin Cellier.